Un dimanche, en regardant une photographie de notre Seigneur en croix, je fus frappée par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. J'éprouvais une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre sans que personne ne s'empresse de le recueillir. Et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Le cri de Jésus sur la croix retentissait aussi continuellement dans mon cœur. « J'ai soif !» Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé, et je me sentais moi-même dévorée de la soif des âmes. Ce n'étaient pas encore les âmes de prêtres qui m'attiraient, mais celles des grands pécheurs. Je brûlais du désir de les arracher aux flammes éternelles. Afin d'exciter mon zèle, le bon Dieu me montra qu'il avait mes désirs pour agréables. J'entendis parler d'un grand criminel qui venait d'être condamné à mort pour des crimes horribles. Tout portait à croire qu'il mourrait dans l'impénitence. Je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Afin d'y parvenir, j'employai tous les moyens imaginables. Sentant que de moi-même je ne pouvais rien, j'offris au bon Dieu tous les mérites infinis de notre Seigneur, les trésors de la Sainte Église. Enfin, je priai Céline de faire dire une messe dans mes intentions, n'osant pas la demander moi-même, dans la crainte d'être obligée d'avouer que c'était pour Pranzini, le grand criminel. Je ne voulais pas non plus le dire à Céline. Mais elle me fit de si tendres et si pressantes questions que je lui confiai mon secret. Bien loin de se moquer de moi, elle me demanda de m'aider à convertir mon pécheur. J'acceptai avec reconnaissance car j'aurais voulu que toutes les créatures s'unissent à moi pour implorer la grâce du coupable. Je sentais au fond de mon cœur la certitude que nos désirs seraient satisfaits. Mais, afin de me donner du courage pour continuer à prier pour les pécheurs, je dis au bon Dieu que j'étais bien sûr qu'il pardonnerait au pauvre malheureux Pranzini, que je le croirais même s'il ne le confessait pas et ne donnait aucune marque de repentir, tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus. Mais que je lui demandais seulement un signe de repentir pour ma simple consolation. Ma prière fut exaucée à la lettre. Malgré la défense que papa nous avait faite de lire aucun journal, je ne croyais pas désobéir en lisant les passages qui parlaient de Pranzini. Le lendemain de son exécution, je trouve sous ma main le journal La Croix. Je l'ouvre avec empressement, et que vois-je? Ah, mes larmes trahirent mon émotion et je fus obligée de me cacher. Pranzini ne s'était pas confessé, il était monté sur l'échafaud et s'apprêtait à passer la tête dans le lugubre trou, quand, tout à coup, saisi d'une inspiration subite, il se retourne, saisit un crucifix que lui présentait le prêtre, et baise par trois fois ses plaies sacrées. Puis son âme alla recevoir la sentence miséricordieuse de celui qui déclare qu'au ciel il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. J'avais obtenu le signe demandé, et ce signe était la reproduction fidèle de grâce que Jésus m'avait faite pour m'attirer à prier pour les pécheurs. N'était-ce pas devant les plaies de Jésus, en voyant couler son sang divin, que la soif des âmes était entrée dans mon cœur? Je voulais leur donner à boire ce sang immaculé qui devait les purifier de leurs souillures, et les lèvres de mon premier enfant allèrent se coller sur les plaies sacrées. Quelle réponse ineffablement douce! Ah, depuis cette grâce unique, mon désir de sauver les âmes grandit chaque jour. Il me semblait entendre Jésus me dire, comme à la Samaritaine, « Donne-moi à boire !» C'était un véritable échange d'amour. Aux âmes, je donnais le sang de Jésus. À Jésus, j'offrais ces mêmes âmes, rafraîchies par sa rosée divine. Ainsi, il me semblait le désaltérer, et plus je lui donnais à boire, plus la soif de ma pauvre petite âme augmentait. Et c'était cette soif ardente qu'il me donnait, comme le plus précieux breuvage de son amour. En peu de temps, le bon Dieu avait su me faire sortir du cercle étroit où je tournais, ne sachant comment en sortir. En voyant le chemin qu'il me fit parcourir, ma reconnaissance est grande. Mais il faut bien que j'en convienne, si le plus grand pas était fait, il me restait encore bien des choses à quitter. Dégagé de ses scrupules, de sa sensibilité excessive, mon esprit se développa. J'avais toujours aimé le grand, le beau, mais à cette époque je fus prise d'un désir extrême de savoir. Ne me contentant pas des leçons et des devoirs que me donnait ma maîtresse, je m'appliquais seule à des études spéciales d'histoire et de sciences. Les autres études me laissaient indifférente, mais ces deux parties attiraient toute mon attention. Aussi, en peu de mois, j'acquis plus de connaissances que pendant mes années d'études. Ah, cela n'était bien que vanité et affliction d'esprit. Le chapitre de l'imitation où il est parlé de science me revenait souvent à la pensée. Mais je trouvais le moyen de continuer quand même, me disant qu'étant en âge d'étudier, il n'y avait pas de mal à le faire. Je ne crois pas avoir offensé le bon Dieu, bien que je reconnaisse avoir passé là un temps inutile, car je n'y employais qu'un certain nombre d'heures que je ne voulais pas dépasser afin de mortifier mon désir trop vif de savoir. J'étais à l'âge le plus dangereux pour les jeunes filles, mais le bon Dieu a fait pour moi ce que rapporte Ézéchiel dans ses prophéties. Passant auprès de moi, Jésus a vu que le temps était venu pour moi d'être aimé. Il a fait alliance avec moi et je suis devenue sienne. Il a étendu sur moi son manteau. Il m'a lavé dans les parfums précieux, m'a revêtu de robes brodées, me donnant des colliers et des parures sans prix. Il m'a nourri de la plus pure farine, de miel et d'huile en abondance. Alors je suis devenue belle à ses yeux, et il a fait de moi une puissante reine. Oui, Jésus a fait tout cela pour moi. Je pourrais reprendre chaque mot que je viens d'écrire et prouver qu'il s'est réalisé en ma faveur, mais les grâces que j'ai rapportées plus haut en sont une preuve suffisante. Je vais seulement parler de la nourriture qu'il m'a prodiguée en abondance. Depuis longtemps, je me nourrissais de la pure farine contenue dans l'imitation. C'était le seul livre qui me fit du bien, car je n'avais pas encore trouvé les trésors cachés dans l'Évangile. Je savais par cœur presque tous les chapitres de ma chère imitation. Ce petit livre ne me quittait jamais. En été, je le portais dans ma poche, en hiver dans mon manchon. Aussi était-il devenu traditionnel. Chez ma tante, on s'en amusait beaucoup, et l'ouvrant au hasard, on me faisait réciter le chapitre qui se trouvait devant les yeux. À 14 ans, avec mon désir de science, le bon Dieu trouva qu'il était nécessaire de joindre à la pure farine du miel et de l'huile en abondance. Ce miel et cette huile, il me fit les trouver dans les conférences de M. l'abbé Arminjon sur la fin du monde présent et les mystères de la vie future. Ce livre avait été prêté à papa par mes chers carmélites. Aussi, contrairement à mon habitude, car je ne lisais pas les livres de papa, je demandais à le lire. Cette lecture fut encore une des plus grandes grâces de ma vie. Je la fis à la fenêtre de ma chambre d'études, et l'impression que j'en ressens est trop intime et trop douce pour que je puisse la rendre. Toutes les grandes vérités de la religion, les mystères de l'éternité, plongeaient mon âme dans un bonheur qui n'était pas de la terre. Je pressentais déjà ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment, non pas avec l'œil de l'homme, mais avec celui du cœur. Et voyant que les récompenses éternelles n'avaient nulle proportion avec les légers sacrifices de la vie, je voulais aimer Jésus avec passion, lui donnant 1000 marques d'amour pendant que je le pouvais encore. Je copiais plusieurs passages sur le parfait amour et sur la réception que le bon Dieu doit faire à ses élus au moment où lui-même deviendra leur grande et éternelle récompense. Je redisais sans cesse les paroles d'amour qui avaient embrasé mon cœur. Céline était devenue la confidente intime de mes pensées. Depuis Noël, nous pouvions nous comprendre. La distance d'âge n'existait plus, puisque j'étais devenue grande en taille et surtout en grâce. Avant cette époque, je me plaignais souvent de ne point savoir les secrets de Céline. Elle me disait que j'étais trop petite, qu'il me faudrait grandir de la hauteur d'un tabouret afin qu'elle puisse avoir confiance en moi. J'aimais à monter sur ce précieux tabouret lorsque j'étais à côté d'elle, et je lui disais de me parler intimement. Mais mon industrie était inutile. Une distance nous séparait encore. Jésus, qui voulait nous faire avancer ensemble, forma dans nos cœurs des liens plus forts que ceux du sang. Il nous fit devenir sœurs d'âme. En nous se réalisèrent ces paroles du cantique de notre Père Saint Jean de la Croix. Parlant à l'époux, l'épouse s'écrie. En suivant vos traces, les jeunes filles parcourent légèrement le chemin, l'attouchement de l'étincelle, le vin épicé leur font produire des aspirations divinement embaumées. Oui, c'était bien légèrement que nous suivions les traces de Jésus, les étincelles d'amour qu'il semait à pleine main dans nos âmes, le vin délicieux et fort qu'il nous donnait à boire faisait disparaître à nos yeux les choses passagères, et de nos lèvres sortaient des aspirations d'amour inspirées par lui. Quelles étaient douces les conversations que nous avions chaque soir dans le belvédère. Le regard plongé dans le lointain, nous considérions la blanche lune s'élevant doucement derrière les grands arbres. Les reflets argentés qu'elle répandait sur la nature endormie, les brillantes étoiles scintillant dans l'azur profond, le souffle léger de la brise du soir faisant flotter les nuages neigeux, tout élevait nos âmes vers le ciel, le bon ciel, dont nous ne contemplions encore que l'envers limpide. Je ne sais si je me trompe, mais il me semble que l'épanchement de nos âmes ressemblait à celui de Sainte Monique avec son fils, lorsqu'au port d'Ostie, il restait perdu dans l'extase à la vue des merveilles du Créateur. Il me semble que nous recevions des grâces d'un ordre aussi élevé que celles accordées aux grands saints. Comme le dit l'Imitation, le bon Dieu se communique parfois au milieu d'une vive splendeur, ou bien doucement voilé, sous des ombres et des figures. C'était de cette manière qu'il daignait se manifester à nos âmes. Mais qu'il était transparent et léger, le voile qui dérobait Jésus à nos regards. Le doute n'était pas possible. Déjà la foi et l'espérance n'étaient plus nécessaires. L'amour nous faisait trouver sur la terre celui que nous cherchions. L'ayant trouvé seul, il nous avait donné son baiser, afin qu'à l'avenir personne ne puisse nous mépriser. Des grâces aussi grandes ne devaient pas rester sans fruit. Aussi furent-ils abondants. La pratique de la vertu nous devint douce et naturelle. Au commencement, mon visage trahissait souvent le combat, mais peu à peu cette impression disparut, et le renoncement me devint facile, même au premier instant. Jésus l'a dit, à celui qui possède, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Pour une grâce fidèlement reçue, il m'en accordait une multitude d'autres. Il se donnait lui-même à moi dans la Sainte Communion, plus souvent que je n'aurais osé l'espérer. J'avais pris pour règle de conduite de faire, sans en manquer une seule, les communions que mon confesseur me donnerait, mais de le laisser en régler le nombre, sans jamais lui en demander. Je n'avais point à cette époque l'audace que je possède maintenant. Sans cela, j'aurais agi autrement, car je suis bien sûr qu'une âme doit dire à son confesseur l'attrait qu'elle ressent à recevoir son Dieu. Ce n'est pas pour rester dans le ciboire d'or qu'il descend chaque jour du ciel, c'est afin de trouver un autre ciel qui lui est infiniment plus cher que le premier. Le ciel de notre âme, fait à son image, le temple vivant de l'adorable Trinité. Jésus, qui voyait mon désir et la droiture de mon cœur, permit que pendant le mois de mai, mon confesseur me dit de faire la Sainte Communion 4 fois par semaine. Et, ce beau mois passé, il en ajouta une 5e à chaque fois qu'il se trouverait une fête. De bien douces larmes coulèrent de mes yeux en sortant du confessionnal. Il me semblait que c'était Jésus lui-même qui voulait se donner à moi, car je n'étais que très peu de temps à confesse. Jamais je ne disais un mot de mes sentiments intérieurs. La voie par laquelle je marchais était si droite, si lumineuse, qu'il ne me fallait pas d'autre guide que Jésus. Je comparais les directeurs à des miroirs fidèles qui reflétaient Jésus dans les âmes, et je disais que pour moi le bon Dieu ne se servait pas d'intermédiaire, mais agissait directement. Lorsqu'un jardinier entoure de soin un fruit qu'il veut faire mûrir avant la saison, ce n'est jamais pour le laisser suspendu à l'arbre, mais afin de le présenter sur une table brillamment servie. C'était dans une intention semblable que Jésus prodiguait ses grâces à sa petite fleurette. Lui qui s'écriait au jour de sa vie mortelle dans un transport de joie, « Mon Père, je vous bénis de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents, et que vous les avez révélées aux plus petits, voulait faire éclater en moi sa miséricorde, parce que j'étais petite et faible. Il s'abaissait vers moi, il m'instruisait en secret des choses de son amour. » Ah, si des savants ayant passé leur vie dans l'étude étaient venus m'interroger, sans doute auraient-ils été étonnés de voir une enfant de 14 ans comprendre les secrets de la perfection, secrets que toute leur science ne leur peut découvrir, puisque pour les posséder, il faut être pauvre d'esprit. Comme le dit saint Jean de la Croix en son cantique, « Je n'avais ni guide, ni lumière, excepté celle qui brillait dans mon cœur. Cette lumière me guidait plus sûrement que celle du midi au lieu où m'attendait celui qui me connaît parfaitement. Ce lieu, c'était le Carmel. Avant de me reposer à l'ombre de celui que je désirais, je devais passer par bien des épreuves, mais l'appel divin était si pressant que, m'eût-il fallu traverser les flammes, je l'aurais fait pour être fidèle à Jésus.